Aujourd'hui, c'est un jour important. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le jour où je décide publiquement de faire mes vœux, issus de ma volonté propre. Mes vœux sont la richesse, la liberté et l'épanouissement sexuel. Alors, c'est très différent ici des vœux que faisaient les gens pour entrer dans les ordres religieux, c'est-à-dire vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Alors, j'ai décidé de prendre la parole ainsi parce que c'est à l'individu de s'approprier sa vie. Et aussi, ça fait suite à un contact que j'ai eu avec mon cousin. En fait, je vous explique un petit peu la situation. J'ai un cousin qui, pendant des années de temps, a été en Birmanie. Et puis, récemment, il est revenu au Québec. Alors, lui, c'est un moine bouddhiste. Alors, pour raconter un petit peu son histoire, c'est que pendant un certain nombre d'années, il a vécu à Montréal, au Canada, et puis il faisait son travail. Il n'aimait pas la société matérialiste. Il était idéaliste. Et du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour se joindre à la religion bouddhiste et ensuite partir en Birmanie pour aller vivre en compagnie de moines là-bas. Et il a fait ses vœux, donc il est devenu moine bouddhiste. Alors, ses vœux ont été de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Alors, c'est lui qui a décidé ça, puis ça y appartient, je respecte son choix, on a chacun nos goûts, naturellement. Et puis, après avoir passé 7 ans de sa vie là-bas, à méditer, à discuter avec des moines, à faire des enseignements, et il a décidé de revenir au Canada. Et comme il était de retour, bien, moi, je l'attendais avec mes questions, parce que je suis une personne qui est sans tabou, dans le sens que moi, ce qui m'intéresse de discuter avec les gens dans la transparence totale, c'est de parler de n'importe quel sujet. Donc, je peux discuter autant de la vie après la mort, autant par la suite de l'anxiété, ou autant même parler de chasteté ou de sexualité. Alors, c'est sûr que lui est à l'aise avec ça. On a quand même un lien là, qui s'est tissé entre nous deux. Fait que ce qui est intéressant, c'est que je regardais un petit peu sa vie. Parce que ça piquait ma curiosité, naturellement, là, sa vie monastique, qui est très différente de la mienne, parce que ma vie est en lien avec la liberté de ma conscience. Lui vit en fonction de cadre de référence religieux de type bouddhiste, tandis que moi, je vis pas en fonction d'un cadre, je vis en fonction de la vibration de mon être. Donc, c'est très différent comme fonctionnement, parce que je peux pas... Je ne suis pas intéressé à m'assujettir à de la forme, que autant que ce soit une doctrine, une philosophie, autant que ce soit une religion, une secte, et ainsi de suite, qui va dicter ou conditionner mes comportements en fonction de principes. Puis moi, ce que j'aime, c'est faire l'étude de qu'est-ce qu'il y a comme impact un mode de vie. Donc, autrement dit, lui, il a décidé de faire vœu de pauvreté. C'est sûr que quand tu es jeune, puis tu es en santé... Puis là, il décidait de partir en Birmanie, puis il était motivé, puis il était enthousiaste, idéaliste. C'est sûr que ça peut être intéressant dans une certaine mesure. Sauf qu'à un moment donné, lorsqu'il était là-bas, il a développé des problèmes aux poumons. Fait que là, il avait besoin d'une radiographie. Mais comme il avait fait vœu de pauvreté, bien là, c'était pas pratique. Dans le sens qu'il n'avait pas l'argent pour ça. Fait qu'il a fallu qu'il demande de l'argent à sa famille. Donc, le vœu de pauvreté, c'est parce que ça nous met dans une position de dépendance. Là, moi, je trouve pas ça nécessairement intéressant. Quand je le regarde avec mon discernement, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est sûr que par la suite, quand il a voulu revenir au Canada, ça a été un petit peu problématique, sa situation, parce qu'il devait demander à des membres de sa famille de lui payer le billet d'avion. À ce moment-là, c'est pas pratique, ça le garde à la merci des autres. Une chance que des gens lui ont payé le billet d'avion, parce que sans ça, il n'aurait pas pu revenir. Parce que le vœu de pauvreté, il l'a appliqué d'une manière intégrale, c'est-à-dire rien posséder. Donc, c'est sûr que c'est le détachement total de la matière. Alors que, pour moi, être libre de la matière... c'est d'être capable de transiger avec le plan physique, le plan matériel, d'être capable de l'apprécier sans être fasciné par lui ou assujetti par lui. Donc, rester libre en esprit, rester en contact avec son individualité propre, c'est tout simplement ça. Donc, on n'a pas besoin de se départir de tous les biens, mais il faut être capable d'être détaché des biens puis de constater que c'est des formes transitoires, tout simplement, en réalisant que l'essentiel dans notre vie, là, ce qui importe vraiment, c'est nous autres. Ce n'est pas les biens qu'on accumule, surtout que le coffre-fort ne suit pas le corbillard. Donc, lorsque les gens décèdent, bien, c'est sûr que les biens matériels ne les accompagnent pas. Donc, c'est sûr qu'en passant, l'idée de faire cet enregistrement vient d'une réplique humoristique que mon frère a eue à l'égard de mon cousin, qui est moine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait des vœux, et puis on parlait du vœu de pauvreté. Puis mon frère, il a dit ça à la blague, il dit « Lui, il fait vœu de pauvreté, moi, je fais vœu de richesse. » Parce que lui, il est comptable. Lui, c'est ça, son objectif dans la vie, c'est de vivre une abondance financière. Donc, faire, par exemple, des placements à la bourse avec des actions, des obligations. C'est sûr que je me rapproche de son avis, c'est-à-dire mieux vaut être riche que pauvre, surtout dans une société matérialiste comme la nôtre, pour avoir de la marge de manœuvre. Donc, c'est sûr qu'avec le système de santé qu'on a au Québec qui est malade, ben, si quelqu'un a de l'argent, ben, c'est pratique, surtout en vieillissant. Donc, si quelqu'un, par exemple, a un problème de santé, puis il peut passer plus rapidement au privé qu'au public, puis attendre des longs mois avant d'obtenir une radiographie ou un test médical, bien, s'il y a l'argent pour ça, pourquoi pas en profiter pour améliorer son sort? Donc, pour moi, le rapport à l'argent, c'est pas d'avoir une coupure en disant qu'il faut faire la pauvreté, mais c'est tout simplement avoir une gestion intelligente de l'argent, de réaliser que c'est un outil, c'est pas une finalité. Donc, je suis sûr que ma finalité dans ma vie, c'est pas d'accumuler de l'argent. Ma finalité, c'est d'être bien dans ma peau. Puis, si l'argent peut servir à ça, pourquoi pas? Donc, c'est ça, ça m'a amené son mode de vie à me prononcer. L'autre élément, ben, l'obéissance. C'est sûr que lui, il se soumet à une structure religieuse avec des principes, des préceptes. Donc, il y a des choses qu'il peut faire, puis d'autres qu'il ne peut pas faire. Donc, c'est sûr qu'il y a des maîtres qui vont, par exemple, des moines qui vont lui enseigner des choses, vont lui dire quoi faire. Donc, il doit se soumettre à des règles extérieur à lui. Donc, les règles, c'est quoi? C'est des formes. Lorsqu'on est soumis à des formes, bien, on n'est pas libre. Tandis que l'individu qui est en contact avec l'esprit, il va agir en concertation avec l'esprit, mais c'est en vertu d'une autorégulation vibratoire. C'est-à-dire, c'est entre lui en tant qu'ego puis lui en tant qu'esprit, ce qui est très différent. Il procède de la vibration et c'est là-dessus que je veux procéder. Moi, je ne veux pas passer le reste de ma vie à étudier des principes, des écritures à caractère religieux. Non, je veux vivre en fonction de moi-même. Je veux être bien dans ma peau. Je veux être libre. Donc, c'est sûr que ma volonté est dans la liberté d'être plutôt que dans l'obéissance, la soumission. Parce que quelqu'un qui soumet une règle, puis ensuite un autre, à un moment donné, ça devient lourd à porter. Puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas les règles. Donc ça, c'est une blague. Bon, je ne sais pas si ça a fonctionné. À être drôle, mais bon. À un moment donné, il faut dépasser ça. Parce que tant que quelqu'un où tu te tuais pour dire quoi faire, puis tu te soumets à lui, puis tu as le dos courbé, tu ne peux pas te tenir debout devant le réel. Tu ne peux pas être bien dans ta peau totalement. Donc, pour moi, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de divinité au-dessus de moi, il n'y a pas d'entité astrale, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de directeur de pensée, il n'y a pas de philosophe, il n'y a pas de scientifique. Non! C'est moi-même qui dois être aux commandes de ma propre vie en assumant mon être. Et c'est une chose qui n'est pas nécessairement facile. Mais c'est ce qui donne la liberté, c'est ce qui permet de se sentir bien, c'est ce qui permet de se sentir dynamisé, parce que lorsqu'on vit en fonction de l'obéissance, puis on courbe les chines devant quelqu'un d'autre qui nous dit quoi faire, puis on croit ce qu'il dit, bien à ce moment-là, on est sous l'influence de formes, on est des prisonniers psychiques de doctrines, d'idéologies, donc on n'est pas nous-mêmes. Puis tout individu à l'extérieur de nous, toute règle, tout principe, et jamais parfaitement adapté à nous parce que c'est extérieur à nous. Ce qui peut être parfaitement adapté à nous, c'est ce qui vient de nous. Donc, autrement dit, c'est ce qui émerge de notre créativité, de notre conscience, qui est issu de notre individualité. Donc, mieux vaut s'individualiser et vivre d'une manière libre que que vivre dans l'obéissance et la soumission à des préceptes qui nous gardent captifs de collectifs, captifs de croyances qui vont à quelque part aller à l'encontre de la liberté individuelle dans le sens que ça nous amène dans un état de soumission. Mais c'est sûr qu'il y a des limites à ça, l'obéissance, parce que dans l'obéissance, par exemple, lui, il ne pouvait pas rester dépasser un certain nombre de jours, là, en fonction de préceptes bouddhistes, apparemment, avec sa famille. Fait qu'il ne pouvait pas rester trop longtemps avec nous autres. Ensuite, c'est sûr que ça a de l'impact aussi sur différents aspects de son mode de vie. Il doit se raser le crâne. C'est sûr que c'est pratique d'avoir le crâne rasé parce que tu es sûr de ne pas être dépeigné. Ça a cette utilité-là. Par contre, ça a ses limites. C'est sûr que, à quelque part, ça y appartient. Hein. Je me positionne par rapport à ça, mais moi, je laisse vivre ce qu'il y a à vivre. Donc, je ne dis pas qu'il n'est pas correct. Je regarde ce qu'il vit. C'est sûr que je ne suis pas en affinité vibratoire avec ça. Moi, je ne vivrai jamais ça. Mais je la regarde. Je regarde qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, comment il évolue dans son rapport à la religion au fil du temps, et ainsi de suite. Tout simplement. Donc, c'est sûr que je peux être désaccord sur une base individuelle avec certains éléments puis pas les vivre, mais je suis quand même dans le vivre et le laisser vivre. Donc, je laisse vivre ces choses. Et le troisième élément, et non le moindre, et vous allez être sans doute curieux de voir qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, c'est-à-dire l'épanouissement sexuel versus le troisième vœu des moines, c'est-à-dire la chasteté. Parce que là, ça, c'est mon élément qui est plus ma curiosité quand il est revenu de son voyage de 7 ans en Birmanie, en communauté monastique. C'était son rapport à la sexualité, bien entendu. Il y a sans doute des gens, là, présentement, qui m'écoutent, qui sont curieux également là, de savoir là, comment il a vécu ça. Et puis c'est sûr que moi, comme je le disais tantôt, je ne suis pas gêné. J'avais des questions, puis je l'attendais dans le détour par rapport à ce sujet ou à la garde de la sexualité. C'est sûr que j'y ai posé la question à savoir, après avoir pratiqué des techniques de méditation, après avoir fait différents exercices en lien avec le bouddhisme, est-ce que la pratique de la chasteté, tu le vis totalement? C'est-à-dire, est-ce que tu connais l'extinction du désir sexuel? Et là, vous êtes sans doute curieux de voir qu'est-ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu avec sincérité qu'il y a toujours des désirs sexuels qui émergent, même après 7 ans de pratique. Donc, il me racontait qu'au mois de janvier dernier, il avait tombé amoureux. En fait, il y avait une attirance sexuelle. Je ne parlerai pas d'amour ici, mais d'une attirance sexuelle, comme qu'il me le dit par rapport à une nonne. À ne pas confondre avec le mot « nun », quoique... Donc, il m'a raconté ça avec très grande honnêteté, très grande transparence, très grande franchise. Fait que là, j'ai dit, si tu tombes pas amoureux, mais si tu as un désir sexuel par rapport à une femme, puis là, ça fait quand même 7 ans que tu utilises des techniques, que tu fais de la méditation, que tu te pratiques, que tu es en immersion totale dans ce mode de vie, ça veut dire que quelqu'un qui va faire un stage une fin de semaine, probablement qu'il réussira pas à arrêter d'avoir des désirs sexuels. Donc, autrement dit, si ça fait 7 ans, puis une quantité considérable de temps, j'en suis venu en conclusion que la disparition du désir sexuel, en tout cas dans son cas, ne s'est pas opérée à travers la pratique de cette religion. Donc, ça veut dire qu'il vit une forme de tension puis de dualité interne. Parce que d'un côté, il y a le désir, puis d'un côté, il y a la volonté de ne pas céder au désir. Donc, ça crée une dualité à l'intérieur de lui. Ça peut créer de la frustration sexuelle, de la tension. Et là, j'ai posé la question, si justement récemment tu as eu des désirs sexuels, il y a quelques mois à peine, comment tu gères ça? Là, il dit, je vais me recentrer en faisant des exercices de respiration, d'inspiration. Puis là, c'est sûr que lui, il a le discours qu'il y a des plaisirs inférieurs, puis il y a des plaisirs supérieurs. Donc, il fait une hiérarchie des plaisirs. Ce que ça me donne l'impression, ça me fait penser un peu à la religion catholique où... ce qui vient de la chair, c'est inférieur, c'est pas beau, c'est sale, c'est caca. Alors que si c'est de la prière, ça c'est beau. Ou de la méditation, ça c'est beau. Donc, moi j'en suis venu à la conclusion que il faut, en tout cas en ce qui me concerne, Ce qui, c'est pas nécessairement un mode de vie que je me sens appelé à vivre, là, la chasteté, là, naturellement. Parce que si mon corps éprouve du désir sexuel, puis j'essaie d'aller à l'encontre de lui, je crée une dualité, je crée une tension. Donc, une partie de moi qui veut, puis l'autre qui veut pas. Puis, il y a comme une dénaturation là-dessus, à travers ça, je trouve. C'est comme si de mettre un cadre social rigide par rapport à la nature biologique du corps, puis de l'empêcher de vivre. Ça empêche une forme de circulation de l'énergie. Ça crée des tensions. Moi, je trouve pas ça nécessairement intéressant. Alors que le rapport à la conscience doit être intégral pour moi. La conscience peut être investie autant par un individu dans la pratique de méditation, autant dans la pratique d'une activité sexuelle avec une personne agréable. Autrement dit, si on est pleinement présent à ce qu'on fait, autant pendant qu'on mange, autant pendant qu'on médite, puis autant lorsqu'on a une activité sexuelle, ben, c'est une façon de vivre la présence puis de sortir de la réflexion. Parce que après tout, quelqu'un qui est au cœur d'une activité sexuelle éprouve l'orgasme puis est pleinement présent à ça, il vit un état psychique de non-réflexion, de non-analyse. Donc, autrement dit, ça le sort du mental réflectif. Puis s'il est au-delà du mental réflectif, ben, à ce moment-là, il est dans une conscience supramentale, dans le sens au-delà du mental de l'intellect. Donc, autrement dit, quelqu'un qui éprouve aussi l'orgasme peut perdre la notion de l'espace et du temps parce qu'il peut vivre une expérience de flow, une expérience de plénitude. C'est intéressant à voir comme ça parce que, à quelque part, si on nie la nature biologique de l'être humain dans le désir spirituel de la transcender et qu'on n'y arrive pas, ben, ça fait des gens qui sont frustrés et contrariés. Donc, si quelqu'un, par exemple, décide de vivre la chasteté, quelque part, même après 7 ans, le désir sexuel revient toujours, ben, il est toujours en état de tension depuis ces 7 années-là, puis ça ne finit pas. Tandis que si la personne éprouve un désir sexuel puis il comble son désir, ben, ça détend. Donc, autrement dit, la tension diminue à travers, entre autres, le phénomène de l'orgasme. C'est un rapport au corps qui est très différent dans mon cas. Donc, c'est sûr que moi, j'aime poser des questions, des fois, qui sont embêtantes, là. Parce que, tu sais, j'ai dit, si, admettons, tu es excité sexuellement, donc, si, admettons, tu es en érection, tu peux pas te satisfaire sexuellement, tu risques d'être tendu longtemps, parce que, mettons, quelqu'un qui est en érection, puis il essaie de dormir, ça se peut qu'il ne soit pas capable de s'endormir après une demi-heure, une heure, 2 heures, parce qu'il est tendu. Puis de toutes sortes d'attentes, ben, ça peut prendre un certain laps de temps, alors que quelqu'un qui est sous tension énergétique, qui utilise l'orgasme pour se détendre, ben, par la suite, souvent, le sommeil est plus facile. Mais encore, faut-il qu'il y ait accès à un partenaire sexuel ou qu'il ait l'audace de se masturber. C'est sûr que c'est particulier parce que lui, ce qu'il me racontait, c'est qu'il ne pouvait même pas se masturber. Fait que là, s'il est tendu, peut-être qu'il vivait une bonne période d'insomnie pendant la nuit. Je ne sais pas comment il gère ça. Moi, personnellement, j'aurais de la difficulté à gérer ça parce que, à quelque part, il faut respecter le corps, puis il ne faut pas essayer de forcer les choses. Donc, quelqu'un qui, par exemple, dit « Ah, je vais sublimer la sexualité », Aum, je médite, je m'élève en tant qu'âme et je vais aller au-delà de ça, puis c'est pas réel, ben, le corps ne suivra pas. C'est-à-dire qu'il va continuer à éprouver des désirs, puis la personne va être sous tension sexuelle, puis elle va être frustrée. Donc, il faut accepter son corps. C'est sûr que lorsque l'être humain aura une volonté qui permettra de commander à la matière, ben, c'est à ce moment-là qu'il décidera lorsqu'il sera en état d'érection ou non, s'il veut avoir de la sexualité ou non. Lorsque le corps sera totalement régi par sa volonté, personnellement, je ne suis pas encore rendu là. Ce qui veut dire que la transmutation que certains véhiculent à travers des enseignements de haute spiritualité, si l'individu n'est pas capable de l'appliquer dans le concret, dans la matière, dans la vie de tous les jours, puis il reste sous tension, ben à ce moment-là, ça ne vaut rien. C'est du pelletage de nuages, c'est dans la fuite, dans l'imaginaire, c'est du déni de la condition biologique de l'être humain. Alors que si on vit en contact avec le réel, ben on assume son corps. Donc, autrement dit, si j'ai un désir sexuel, j'ai un désir sexuel. C'est capable d'être voir clair par rapport à soi, d'être totalement transparent, au lieu d'être hypocrite, puis de se raconter des histoires qu'on peut sublimer. si on n'est pas capable de le faire. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais parler pour moi. Donc, s'il y a des gens qui vivent ça, la sublimation de l'énergie sexuelle pour s'élever en conscience, ben, ça leur appartient. Moi, je ne vis pas ça. Donc, mais le jour que je vivrai, ça sera différent, si je peux le vivre. Parce que moi, ma compréhension, c'est que l'esprit a à habiter la matière à travers le corps physique. Puis tant qu'il n'y a pas un seuil suffisamment élevé d'habitation de l'énergie qui est descendue au sein de l'individu, l'individu n'est pas capable de canaliser et d'utiliser cette énergie pour commander la matière et faire une gestion totale de son corps. Donc autrement dit, tant que la volonté de l'individu n'est pas aussi forte que celle de la programmation biologique du corps, ben, la volonté de l'individu ne peut pas faire en sorte qu'il arrête, par exemple, d'avoir du désir sexuel. Donc, si on ne peut pas arrêter d'avoir des désirs sexuels parce que l'énergie n'est pas suffisamment descendue, et si la descente de l'énergie n'est pas sous le contrôle de l'ego subjectif de l'individu, mais de l'esprit, ben, à ce moment-là, que l'individu assume que du désir sexuel et qu'il passe à autre chose, au lieu de chercher de vivre des choses qu'il n'est pas capable ou prêt à vivre, tout simplement. Donc, c'est mon rapport. Puis, à quelque part, il n'y a pas à avoir une hiérarchie entre les plaisirs supérieurs et inférieurs, parce que ça crée une forme de mépris à l'égard de la chair, alors que la chair doit être investie de conscience. Ça peut être agréable, par exemple, d'avoir une relation sexuelle avec une personne, de recevoir ou de donner un massage, le contact corporel. Donc, ça ne doit pas être nié, le plaisir dans la matière, sous prétexte d'élévation dans l'esprit, parce que sans ça, ça crée une dualité. Puis à quoi ça sert de s'incarner en tant qu'esprit pour vivre une expérience sur le plan matériel si on ne peut pas jouir de son corps, si on ne peut pas avoir d'orgasme? Dans le fond, il faut être capable de bénéficier des agréments existentiels comme plaisir de vie. Donc, pour que la vie soit agréable, c'est ma façon de voir les choses. Alors, mes vœux sont faits, richesse, liberté, désobéissance là, à toute forme d'imposition par rapport à des règles, des dogmes. Donc, pour être dans la liberté de conscience, puis un épanouissement sexuel. Donc, c'est ce que je veux. Et autant me positionner en fonction de quelque chose que je trouve agréable plutôt que d'aller dans un sens qui n'est pas le mien. Donc, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de partager mes vœux. Mais ça peut être intéressant de vous positionner dans votre rapport à l'égard des différents aspects de la vie humaine. Parce que, après tout, ici, ce qui est question, notamment à l'égard de la sexualité, c'est pas de devenir des obsédés sexuels puis de devenir dépendant de la sexualité. C'est d'harmoniser la sexualité à son être pour qu'elle soit investie de conscience. Puis après tout, à travers l'acte sexuel, ça permet un échange d'énergie. Donc, c'est sûr qu'il y a l'échange biologique, par exemple, à travers deux êtres, mais derrière ça, il y a une profondeur qui peut s'y retrouver à travers l'échange aurique des deux individus qui sont impliqués dans l'acte sexuel qui permet un échange d'énergie. Et c'est sûr que quand on parle, par exemple, de chasteté, donc de privation de contact, ben, qu'est-ce que ça fait, selon mes observations? Ça fait des corps qui sont desséchés, un peu comme un animal qui manque de caresses ou d'affection. Non! La peau a besoin de contact et ça fait partie de ce qui lui permet d'être en santé, d'être radieuse, d'être dynamisée. Et c'est sûr qu'idéalement, c'est des contacts avec des personnes qui sont agréables, des personnes qui ont des belles vibrations, des personnes qui sont autant belles sur le plan physique que psychique, qui vont permettre de favoriser une énergie qui va circuler à travers d'échanges agréables. Voilà ma compréhension de la sexualité qui est très différente de plusieurs personnes. C'est sûr que dans le culte de la sexualité, ce qui peut être mentionné, c'est que la sexualité sert à faire circuler l'énergie. Donc, quelqu'un, par exemple, qui reçoit beaucoup de l'énergie du plan mental, puis peut canaliser beaucoup de matériel sur le plan psychique, ça peut être intéressant pour cette personne-là d'avoir une liberté sexuelle qui permet de vivre sa sexualité plutôt qu'être dans la chasteté, parce que lorsque la personne éprouve un état d'orgasme, il y a la libération de l'énergie. Puis plus que l'énergie qui rentre des plans, et plus que l'énergie doit sortir aussi. Donc, s'il y a des charges d'énergie, ben, il doit y avoir des décharges d'énergie. Donc, la sexualité me fait penser un peu comme, par exemple, à un fusible qui, à un moment donné, on va faire un relâchement, par exemple, d'un système électrique pour le repartir. Ben, c'est un petit peu ça. Donc, plus qu'on a accès à de l'information puis la canalisation d'une énergie qui électrifie le mental, plus qu'il peut être pertinent d'utiliser, entre autres, la sexualité pour descendre l'énergie puis pour se calmer. Parce que, dans le fond, lorsque de la tension, ben, ça prend une détente qui est inversement proportionnelle pour trouver l'équilibre. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est beaucoup électrifié dans le mental parce qu'il canalise beaucoup de matériel, ben, ça peut être intéressant qu'il éprouve également beaucoup d'orgasmes pour se rééquilibrer. C'est sûr qu'il y a d'autres façons de se rééquilibrer. Il y en a qui vont prendre, par exemple, une douche, il y en a qui vont prendre de l'alcool, ou il y a d'autres façons de se rééquilibrer après une activité de canalisation, mais ça en fait partie. Et c'est sûr que la santé en tant que telle, c'est dans la libre circulation de l'énergie, pas dans le blocage d'énergie, puis dans la dualité entre le corps et l'esprit. Il faut, ça c'est ma compréhension des choses, que l'individu devienne éventuellement un bloc unitaire. Donc, qu'il y ait une vie qui est intégrale, une vie qui est multidimensionnelle. Donc, à la fois un épanouissement sur le plan sexuel, à la fois un épanouissement sur le plan psychique dans son rapport intégré avec les plans de la lumière et à la fois un rapport qui est totalement harmonisé avec les êtres humains de son environnement, dans le respect, dans la transparence. Donc, ça, c'est ma vision de l'être humain. Alors, voilà ce qui termine cet enregistrement et je vous dis à bientôt.